La délégation de l'Assemblée populaire suprême, conduite par le député Ji Zhongzhou, directeur du Centre d'études de la réunification de la patrie, a quitté Pyongyang par vol le 20 octobre pour la 135e Assemblée générale de l'Union parlementaire internationale prévue à Genève, Suisse.